Chapitre 15. Que connut exactement l'évêque des aventures de Sir Guillaume et de la Belle Oriente, on l'ignore, mais c'est un fait qu'il entreprit de mettre sa haute puissance au service de ses deux amants. Avec tout ce qui s'élance vers le ciel et fournit de la jeunesse, du feu, de la force, le vénérable prélat veut construire la chrétienté de Syrie. Quel abîme entre le chaos présent, que règle seule la chance des batailles, et le royaume qu'il rêve de réconcilier à la gloire du Christ. Il aime ces dames sarrasines qui viennent de se convertir et qui peuvent enfanter une nation nouvelle. Il aime ce soldat retrouvé, si plein d'expérience. Et il a bon courage, avec ses matériaux précieux, de jeter le pont sur l'obstacle. Un jour, au sortir de la messe, sur le parvis de l'ancienne mosquée devenue église, il s'approcha du prince d'Antioche, en tenant Sir Guillaume par la main, et lui dit « Seigneur, j'ai par bonne aventure entendu en confession ce chevalier que voici et qu'à son humble vêtement j'ai d'abord pris pour un musulman. Il m'a dit une merveilleuse histoire que, s'il vous plaît d'ouïr, je vous répéterai. C'est un chevalier charmé. Il a reçu un enchantement qu'il ne s'explique pas lui-même dans vos jardins de l'Oronte. Un jour de jadis qu'il était venu à Calahat en mission de son suzerain, le comte de Tripoli. Et depuis lors, il dépérit s'il s'en éloigne. À son grand âme, quand vous assiégez la ville, il l'a quitté pour ne pas verser de sang chrétien. Il a erré comme un dégaré, à l'aventure, et maintenant il revient dans ces lieux de sa fascination, en demandant au vrai Dieu de venir à son aide. C'est un mal de l'âme, dont il faut que nous l'aidions à se guérir, et l'un et l'autre, nous vous demandons que vous l'acceptiez dans votre familiarité, pour qu'il y ait son apaisement en même temps qu'il sera l'un de vos fidèles. » Et quand le prince eut entendu cette requête, comme un sage monarque, il s'éloigna de quelques pas et appela plusieurs seigneurs de bon conseil, qui sortaient eux aussi de la messe. Leur entretien fut court, et revenant à Sir Guillaume, il lui dit publiquement « Mais Sir Guillaume, pour l'honneur et l'amour du saint prélat qui vous accompagne, et en considération des services que votre connaissance des langues sarrasines nous réserve, nous vous accordons votre requête, en priant Dieu que votre charme vous soit allégué, et nous vous demandons de venir dès aujourd'hui souper avec nous. Ainsi donnerez-vous plaisir à nos dames qui savent surtout le langage sarrasinois. » De cette gracieuse réponse, l'évêque et Guillaume remercièrent le prince, et Guillaume toucha la main de tous ses chevaliers, parmi lesquels plusieurs connaissaient ses amis et sa parenté. Puis l'évêque le conduisit au logement que, d'accord avec la musulmane, il lui avait préparé, où l'attendaient les vêtements qui convenaient à son rang retrouvé.